interview à Couleur 3 avec DJ Luciano. DJ Luciano qui a la maladie des pouces aussi, je vois, hein, comme beaucoup de gens, c'est en train de... T'es toujours en... Salut Luciano déjà. Bonjour, ça va? Ouais, ça va, bienvenue sur Couleur 3. Alors, je te vois justement en train de texter avec ton Blackberry. C'est le syndrome de ceux qui sont tout le temps dans un aéroport ou quoi? Ouais, c'est un peu l'enfer. C'est la mauvaise habitude d'être toujours un petit peu pas accessible. Donc, t'as tout le monde qui veut toujours avoir... Il faut toujours avoir le téléphone. Donc, ouais, c'est la mauvaise habitude. J'ai lu sur ton MySpace, avant de parler de ton CD, A Tribute to the Sun, j'ai lu sur ton MySpace une phrase, Just a man who had dreams and went for it. Alors, c'est tout ce qu'il y a sur ta bio. Just a man who had dreams and went for it. Tu peux expliquer cette phrase? C'est parce que, en fait, il y a eu plein de bio, il y a eu plein de trucs où il y avait des gens qui écrivaient depuis le début d'où t'es né, à quelle heure le machin, l'hôpital, le truc. Donc, j'ai dit non, en fait, moi, j'en avais marre de ces machins de bio et j'ai dit, voilà, ça représente ce que j'ai fait. J'ai l'impression que ça représente un petit peu de mon parcours, du truc que j'ai vécu. Et puis, j'ai dit, voilà, j'avais simplement envie de lâcher le truc comme c'était. Donc, c'est tout, quoi. Mais who had dreams? C'est-à-dire que t'en as plus, t'es déjà arrivé à tous les réaliser. Je pense que c'était plus parti pour un truc de, je pense pour moi c'était plus la bagarre était plus. Maintenant j'ai quand même réussi à monter un truc ici en Europe. C'était plus la bagarre, c'était quand je suis arrivé ici d'Amérique du Sud en Europe, quand je suis arrivé ici en Suisse avec ma femme et ma gamine, quoi. Donc on était un peu à la rue et puis c'est juste qu'on s'est battu comme des chiens les premières années pour essayer d'exister, vivre ici un petit peu en Suisse. Donc c'était plutôt lié directement à ça qu'avec des rêves propres et des choses comme ça, quoi. Les rêves, ça continue, j'imagine. Continue, mais ça va jamais. T'es arrivé d'Amérique du Sud, t'es chilien à la base en fait. Moi je suis moitié suisse, moitié chilien. Je suis né en Suisse, mes parents se sont séparés quand j'étais petit et je suis parti avec ma mère au Chili et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. J'y retourne encore de temps en temps. Est-ce que justement DJ Luciano est connu sur la scène chilienne, genre comme l'enfant prodige qui rentre à la maison, quoi? Beaucoup j'ai fait. Le début de ma carrière, je l'ai fait là-bas. Donc, les premières soirées qu'on a fait là-bas au Chili, c'était mes premiers pas dans la musique, dans cette carrière, dans organiser des soirées. Donc, j'ai fait quand même pas mal de trucs là-bas. Donc, je rentre de temps en temps, quand même au Chili. J'essaie de pas trop faire longtemps parce qu'on fait beaucoup la fête là-bas. C'est vrai. Mais j'y vais de toute façon une fois par année, quoi. Au niveau social, politique, tout ça, ça s'arrange. Le Chili, c'est un pays qui a beaucoup souffert quand même à ce niveau-là. Est-ce qu'on voit un peu le bout du tunnel un peu? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir dans ce qui se passe au Chili aujourd'hui? C'est clair, ça a vachement changé. Les dernières 10 années sont vraiment, le Chili, c'est devenu un pays très, très, très moderne. C'est devenu un des leaders un petit peu en Amérique du Sud. Économiquement, tout ça, ça tourne vraiment bien. C'est plus du tout le Chili qu'il y avait là pendant la dictature ou l'après-dictature, quoi. C'est un pays qui a vachement, vachement, vachement amélioré, qui a un voie de développement, de boulot. Enfin, c'est vraiment un pays vraiment cool. Moi, je conseille à tout le monde si vous êtes jamais allé. Salut, c'est Luciano. Vous écoutez les Métissages sur Couleur 3. Salut, c'est Luciano, vous écoutez les métissages sur Couleur 3. Alors, justement, tu parlais des soirées que tu as commencé à faire là-bas au Chili. En fait, dans la musique, toi, tu as commencé en tant que musicien, pas en tant que DJ, non? Exactement. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la... Ma mère m'a offert une guitare quand j'étais gosse. Et j'ai commencé un petit peu dans des groupes à gauche, à droite, d'école, des trucs comme ça. Et puis après, je suis tombé gentiment dans la musique électro. Et après, je suis tombé un petit peu... Enfin, j'ai fini quand même en tant que DJ, quoi. Parce que genre en tant que DJ, t'as directement commencé en faisant ce que tu fais aujourd'hui, à savoir ce qu'on pourrait appeler de la minimale en fait. Je sais pas si tu l'as défini comme ça ou pas. Ou est-ce que t'as traversé plusieurs styles? Non, moi j'ai toujours commencé dans la musique. Je compose de la musique. J'ai un studio, je travaille en studio, je comme ça. Donc moi j'ai toujours fait de la musique. Moi l'histoire du DJing c'était pour arrondir mes fins de mois quoi. Donc on m'offrait aller bosser dans un bar à gauche à droite, puis j'allais arrondir mes fins de mois avec des potes, boire 2-3 bières dans un bar et des choses comme ça. Donc c'est plutôt j'ai commencé le DJing pas vraiment par enfin, je me suis dit ouais voilà c'était plutôt pour une des raisons au début économique c'était vraiment bon on gagnait rien à l'époque des choses comme ça mais c'était vraiment pour essayer d'arrondir les fins de mois quoi et la musique moi ça a toujours été un truc qui était à côté un petit peu dans ma vie et puis je suis plus musicien que DJ même si je fais beaucoup de... ils sont finalement vachement ronds tes fins de mois à la fin finalement en fait ça a changé là. Alors justement tu mixes un peu partout sur la planète t'arrêtes pas hein, de bouger à droite à gauche est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui fait que Luciano est aussi autant demandé partout et dans différents pays? Je sais pas. Je pense que c'est un truc que nous on a quand même une identité assez forte. Qu'on bosse. Moi, je bosse avec ma sœur. J'ai Aurélia, Marco. J'ai des potes d'enfance. On est tous à bosser tous ensemble autour de la maison de disques. On s'occupe de pas mal d'artistes. Donc on a un truc assez gros derrière qui représente un son assez, je pense assez nouveau. C'est un truc entre la house, la minimal, la techno. C'est un truc assez dur à définir. Et puis je pense que c'est ça que c'est plutôt l'identité puis la marque. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer du truc assez intègre et assez honnête, on l'a fait d'une manière assez honnête, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est ça, je pense. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça qui attirent les gens. Après, bon, voilà, on aime bien faire la fête aussi. Les gens s'éclatent. Quand ils viennent regarder le truc, ça s'amuse. C'est pas, on tire pas la gueule. Donc ça fait aussi une différence, ça aussi. Mais justement, en fait, quand on peut rester un peu sur le label, pour continuer un peu à définir un peu ce son Cadenza, en fait, parce que c'est le nom du label, bah, qu'est-ce qu'il faut pour venir signer sur Cadenza, justement? Qu'est-ce qui fait que t'as un artiste, tu dis, tiens, lui, je le verrai bien sur mon label? Bah, moi, en général, quand je signe quelqu'un, je regarde pas le nom, je regarde pas qui ce qu'il a fait, tout ça, je m'en fous. C'est-à-dire que je prends vraiment quelqu'un. Si on m'envoie un CD, sur le CD qu'on va m'envoyer, je regarde s'il y a une continuité dans le son. C'est pas que tout d'un coup sur un CD il y a un morceau qui est vraiment bien et le reste ça ne correspond pas du tout à ce morceau-là, que ça arrive souvent. Moi, ce que je cherche, c'est une continuité dans le caractère de l'artiste. C'est-à-dire qui quand je signe quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui je sais qu'il y a une histoire derrière. Le gars, il a son son, il a son univers, et c'est ça que je cherche. Moi, ça peut être depuis plus house, plus minimal, c'est égal. Mais il y a vraiment, c'est vraiment une histoire avec la musique. En ce moment, il y a qui, là, par exemple, sur Cadenza? En ce moment, on a Reboot, on a Mirko, on a les Digitaline, on a une pétée de monde, Mendo, qui faut pas que j'oublie personne, après on me tape sur les doigts. Non, mais c'est bon, si jamais après, il y a Cadenza, voilà, il y a énormément de monde, et puis il y a beaucoup de nouveaux artistes, en fait. Il y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de gros noms, c'est-à-dire de noms super renommés dans la musique, et on essaie de trouver des nouveaux projets, puis trouver un petit peu, de redonner à la musique, en fait, ce que moi, j'ai toujours voulu donner, en fait, à travers Cadenza, ce que la musique m'a donné. C'est-à-dire donner un espace où tu peux venir de nulle part et si t'as bon dans ton son, tu peux pouvoir faire quelque chose, quoi. D'ailleurs, si t'avais pas fait de musique, t'aurais fait quoi? T'étais parti dans quelle direction? Ouais, je sais pas. Moi, j'étais. J'ai directement parti dans la direction musicale, toi. Non, moi, je suis parti en vrille, moi. Non, je suis parti. Moi, ce que je faisais, c'était. J'ai toujours traîné dans la musique. J'ai pas fini l'école, mais ce que j'ai toujours voulu faire une carrière où je voulais faire dans la médecine. J'aurais voulu faire plutôt dans les médecins du monde, des choses comme ça. Où j'ai toujours ce besoin de faire quelque chose pour les autres. Donc ça aurait été de toute façon un truc assez dans le social ou j'en sais rien. spiritual vibe. Alors l'actualité de Luciano, c'est ce CD, hein, Tribute to the Sun. En fait, moi j'ai reçu qu'un CD, mais visiblement on m'a dit qu'il y avait un DVD aussi qui allait avec. Voilà, en fait on a fait un sur l'album. Je voulais faire, en fait, comme ça fait 3 ans que j'avais pas sorti de truc et tout ça, j'ai dit je vais faire sur cet album. Je voulais faire un petit cadeau aussi à côté. Donc on a fait avec Raphaël Sibila. On a fait au mois de janvier, on a été tourné une tournée que j'ai fait en Amérique du Sud. Avec Raphaël Sibila, ouais. Et puis on est parti un petit peu dans un trip. Bon, c'était plus de trucs. Ouais, on va faire des soirées et tout ça, mais moi je non plus pas trop, et Raphaël non plus voulait pas trop que axer sur le truc des soirées, du truc de qui est déjà revu. Donc on commence sur ça et on part dans un truc complètement spirituel, dans une expérience avec des chamans à la montagne pendant 4 jours à faire de l'ayahuasca et tout ça. Bon, c'est un truc assez rigolo et c'est un truc qui m'a pris assez à cœur. C'était important pour moi parce que ça fait partie des racines que j'ai, et ça fait partie aussi de ma musique. C'est-à-dire je m'inspire énormément sur des choses comme ça, quoi. Et alors, ça donne quoi quand tu prends de l'ayahuasca, alors? Bah, il faut essayer, puis. Mais c'est un truc assez magique. Trouver ton totem? Non, c'est un truc qui est un peu, il faut avoir beaucoup de courage. C'est déjà un truc qui est assez, c'est assez intense, c'est très violent, mais c'est une recherche personnelle sur des choses au plus profond de toi, tes peurs, tu te vois vraiment en face de toi-même, et c'est assez intense, quoi. C'est vraiment bien, c'est quelque chose que je pense que tout le monde aurait le fait au moins une fois dans sa vie. T'as carrément envie d'essayer, quoi. Ah, vas-y. Alors la musique, par contre, le côté sonore donc de ce projet, Tribute to the Sun. T'aimerais bien habiter dans un pays ensoleillé, en fait. C'est plutôt le Tribute to the Sun, c'est plutôt dû à la lumière. C'est-à-dire que moi, je sais que je travaille énormément dans la nuit, des choses comme ça, mais t'es plutôt autour de la lumière, quoi. L'album. Les compositions sont plus, je pense, que pour la journée, des choses comme ça, que plutôt pour le club directement, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit que ta musique, en tout cas celle que tu mixes, hein, est plutôt minimale, on va dire, tu l'as définie entre house, minimal, ouais, tech, c'est un peu un mélange de tout ça. Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça qu'on retrouve sur le CD? Ça, c'est plus personnel à ma composition. Je pense que c'est un truc qui est un peu difficile à définir, mais c'est un peu minimal, très mélodique. Il y a des choses carrément qui passent. Il faut vraiment l'écouter, c'est un peu bizarre, quoi. C'est plutôt, moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est vraiment ce que j'ai eu la possibilité de voyager énormément à travers la musique, chose que j'avais pas avant. J'avais pas beaucoup l'occasion de découvrir un peu le monde, donc le fait de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, ça m'a en fait ouvert pas mal l'esprit sur pas mal de comment on dit, sur les compositions, sur les influences et des choses comme ça. Et j'ai voulu faire une espèce d'éventail de ce que j'ai vécu en fait dans les dernières 5-6 années, sur ce que j'avais vécu dans le monde et des choses comme ça, quoi. Alors je l'ai lu, hein, j'ai pas eu l'occasion d'écouter, malheureusement. J'aime bien écouter les albums avant de faire l'interview, donc ça m'embête un peu. Mais par contre, j'ai lu quelque part qu'il y avait une certaine tristesse, une certaine nostalgie dans tes compositions. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai juste lu, donc j'ai pas eu le temps de vérifier. C'est clair, il y a le côté, les racines d'Amérique du Sud, de la musique latine, qui est très, il y a beaucoup de choses mélancoliques, beaucoup de choses très joyeuses, des choses comme ça. Et moi, c'est cette sensation que la musique me ramène, que j'essaie de reproduire. C'est-à-dire que la musique, elle peut me faire ou être super joyeux, ou super, tu vois, réfléchir à un truc, ou super nostalgique, ou te faire pleurer, ou te faire rire. La musique, elle te parle, elle peut vraiment te traverser d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, c'est ça que j'essaie de reproduire. Donc, il y a des morceaux, évidemment, qui sont plus axés sur des choses un peu plus profondes, d'autres qui sont plus joyeux, d'autres qui sont plus festifs. Donc, j'ai essayé d'axer un peu ma musique sur ça, c'est tout, quoi. Salut, c'est Luciano, vous écoutez les métissages sur Couleur 3. I'm métissage. Salut, c'est Luciano, vous écoutez les métissages sur Couleur 3. Il y a plein de, enfin, il y a quelques invités, en tout cas, puis, c'est assez drôle, enfin, Ali Boulo Santo, par exemple, j'ai retrouvé ça sur ton CD. Alors, comment ça s'est fait, cette collection? Pourquoi l'avoir invité? Bah, en fait, moi, j'ai découvert, en fait, la musique, en fait, africaine très, très, très, très tard. Je connaissais la musique afro-cubaine, des choses comme ça, mais la musique africaine, j'ai découvert quand je suis venu ici en Europe, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, des choses comme ça. Donc, j'ai découvert un petit peu plein de choses qui, pour moi, qui s'est été un espèce de choc, comme ça, culturel. Bah, c'est génial. Il y a plein de truc que j'ai découvert absolument génial, que j'ai voulu simplement essayer de retravailler ou de représenter d'une certaine manière dans cet album. C'est des espèces de nouvelles influences qui arrivaient sur moi, des choses comme ça. Comme il y a aussi le Hang for Bruno qui est basé que sur des instruments suisses. Il y a le Corps des Alpes et des choses comme ça, parce que c'était un peu un défi. On m'a dit, ouais, je sais pas si tu vas pouvoir le faire et tout ça avec un Corps des Alpes. J'ai dit non, mais il y a quelque chose à faire de toute façon avec ça. Donc c'était un peu lancer des défis. Et Ali Boulo Santo, bon, et moi j'ai bossé avec Freaky Was, qui avait sorti justement le morceau d'Ali Boulo Santo, et je suis monstre fan, et puis c'était un truc énorme. J'ai fait aussi un truc avec Salif Keita il y a quelques années aussi, justement, qui était aussi c'était un peu une découverte, me plonger dans un nouvel univers que je connaissais pas du tout, quoi. Et la belle voix de Martina Topley-Bird aussi dessus, hein, ça c'est cool, hein. Ouais, bah Martina, c'est vraiment elle a une voix incroyable. C'est-à-dire que bosser en studio, j'ai bossé avec pas mal de monde, mais bosser avec Martina, c'est assez spécial parce qu'on a une bonne connexion. Elle demande aussi du champagne aussi en studio, parce que elle est vraiment cool, relax, c'est tout. Elle est vraiment cool. Et puis le fait d'arriver, puis de, tu sais, dès que t'as le feeling qu'elle se pose, et sur les premières prises directes, t'as déjà des super bonnes tonalités, la voix, elle travaille tellement bien que c'était genre, waouh, c'était enfin, c'était la personne qui est arrivée dans le studio que j'attendais, ça fait longtemps, quoi. Liberty by Karen Ann. Alors ouais. C'est parce que c'est featuring Liberty by Karen Ann. Voilà, exactement. En fait, ça c'est un morceau que j'avais composé au début. En fait, j'avais recoupé des samples, en fait, de Karen Ann sur le morceau Liberty qui s'appelle. Et je l'avais collé sur le morceau, et je me disais ouais, bon, je sais pas si ça va passer, tout ça. Et puis j'ai réussi à le faire passer à Karen, qui l'a écouté, qui m'a dit ouais, écoute, pas de problème, c'est génial, je viens le sortir. Donc j'ai dit bon, mais voilà, ça peut être une occasion aussi de sortir dans quelque chose sur l'album, au lieu de sortir comme remix pour j'en sais rien, une grande compagnie. On s'est dit bon, on le fait ça sur l'album, et puis elle était toute contente, donc c'était cool. Donc on est content, tout le monde content. Bah en tout cas big up hein, pour cet album que je vais aller écouter maintenant que je vais découvrir après l'interview. Sinon au niveau des news de Cadenza, il y a des trucs qui vont sortir dont on devrait être au courant absolument. Ouais, il y a l'album à Mirko Loco qui est sorti maintenant, il y a l'album à Reboot aussi qui va sortir, que c'est un artiste allemand aussi, un newcomer un peu qui marche très bien. On a pas mal de petites sorties aussi, il y a de nouveaux artistes, Mendo, des choses comme ça, donc oui, il y a on a énormément d'activités qui se passent, donc faut toujours être checké. Alors les sites internet, c'est quoi? C'est cadenza.com ou .ch? Non, on a www.cadenzarecords.com et puis cadenzabookings.com. Bah, merci en tout cas Luciano d'être passé ici par Couleur 3. Plaisir, super. Salut, c'est Luciano, vous écoutez les métissages sur Couleur 3. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Lausanne, minuit, Prague aussi.